Bonjour, je me présente, je suis Elena Requier et je vais vous présenter le musée Guggenheim de Bilbao. Premièrement, je vais vous parler de la création et de l'ouverture de ce lieu d'art, puis de la particularité de son architecture. Ensuite, je vais vous expliquer l'origine de la collection d'œuvres située dans ce musée, puis je vais présenter le contenu de cette collection tout en citant quelques exemples. La ville de Bilbao est située au nord de l'Espagne, au Pays Basque. Le musée Guggenheim de Bilbao est un musée d'art moderne et contemporain, construit par la multinationale espagnole Ferrovial pour un coût de 89 millions de dollars. Il a ouvert ses portes au public le 18 octobre 1997 en présence du roi Juan Carlos d'Espagne. Il fait partie des quatre musées de la Fondation Salomon R. Guggenheim, où les trois autres se situent à New York, Venise et Abu Dhabi. Les Guggenheim sont une famille d'industriels américains d'origine suisse qui s'est également illustrée dans le mécénat avec des fondations et des musées. La structure innovante du bâtiment a été dessinée par l'architecte Frank Gehry dans le style qu'il a rendu célèbre par la suite. Sa silhouette est le fruit d'un assemblage singulier de pierre, de verre et de titane. Le musée est extrêmement novateur dans son approche technologique tant du point de vue de la réalisation des dessins et de la simulation de la création des courbes que sur l'aspect de l'esthétique. Le projet développe l'approche déconstructiviste promouvant des formes organiques et ondulantes, jouant des matières et des lumières. Le succès de l'architecture du Guggenheim de Bilbao est devenu un modèle de développement urbain, autant dans l'intégration artistique des quatre éléments fondamentaux, la terre, l'eau, le feu et l'air, dans la conception globale de l'édifice, donnant ainsi une interprétation architecturale, naturelle et esthétique. Le musée devint rapidement un des bâtiments contemporains les plus connus et appréciés au monde, ce qui a énormément participé au renouveau et à la notoriété de la ville de Bilbao. La construction et l'ouverture au public de ce lieu culturel remarquable a été nommée l'effet Bilbao. Le musée fait 32 500 m², dont 11 000 sont destinés aux expositions. Il crée un afflux très important de touristes, 1 million chaque année, et étant toujours attirés et surpris par la beauté du bâtiment, ils y prennent beaucoup de plaisir à le contempler. La collection du musée Guggenheim de Bilbao est publique. Afin de faire profiter aux touristes et aux Espagnols la beauté de l'art, mais elle est aussi politique car l'architecture novatrice et moderne de ce bâtiment a permis à la ville de Bilbao d'être connue. Parmi les œuvres importantes du musée, on peut citer les sculptures gigantesques de Richard Serra, les installations de Jenny Holzer, ou encore une araignée de Louise Bourgeois et aussi le chien géant Puppy vêtu de fleurs, ainsi que l'œuvre de l'artiste Jeff Koons située à l'entrée du musée. Les expositions du musée changent souvent, 4 à 6 expositions différentes par an, et sont très sélectives et placées chronologiquement allant de l'histoire de l'art chinois ou russe à l'art moderne et contemporain des 20e et 21e siècles. Chaque œuvre de la collection propre du musée Guggenheim Bilbao fait l'objet d'une analyse exhaustive afin d'identifier les caractéristiques techniques et matérielles, d'établir son état de conservation et d'élaborer la stratégie la mieux apte à garantir sa préservation. Merci pour votre écoute.